vapeur d'éther, je regarde la l'alcool. J'écris des rimes pour plein mort capote. Attention, les regrets. Je viens d'après, je tire un trait sous le respect. C'est clair, par tous les moyens, faut ramener la caille au foyer. On parle des tables, plus ça finit par des gardes à fond. Je ne demande jamais ton avis. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Lorsqu'on nous définit ce qu'on a pas voulu. Le malheur ne reste jamais loin, le tête, ça n'a pas béni les miens. Rien à foutre, aucun regret, j'ai fait ce qu'il fallait faire. On est le meilleur de nous-mêmes, de MJ c'est en salle des fêtes. On a mangé le blues, James Brown et Armstrong Louis. Histoire de venger Toulouse, Claude, est-ce que nous avons pu? Fox envoie les voiles large, monte les voiles. Le gain des mics, revoilà enfin un prince de freestyle. Les clashers se demandent comment ressembler à moi. Les rimes sont dans les classes, les classeurs sont dans les armoires. Les petits problèmes deviennent des gros, le manque de roquettes. Ils parlent fond d'épaule quand les ventes de drogue grimpent. Ghost de l'école, tu lances roquettes. Les requins qui traînent au fond mes poches sont moins féroces que Monsieur Moudenc. Le soir je me dérouille pour me rendormir. Et si je m'en bats les couilles, c'est que la cigale se moque bien de la fourmi. On a usé nos choses par de l'allée, ça part de l'allée. Succès d'un jour mais toujours pas de l'année. Rien à foutre, aucun regret, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Apprendre à manger avec les loups quand les porcs du palais ferme. Rester debout dans la bavière à vite cicatriser. A toujours remonter la garde, surtout statisé. Chacun sa route, moi j'ai foncé droit vers l'impasse. Là où tu perds la tête, c'est comme traiter la mère d'un basque. Ça pardonne pas, ferme ta gueule comme quand la daronne parle. Entre nous pas de messe basse, si tu marmonnes pas, c'est le royal port. Shit, t'es au débit de Piaf. Non, vous ne regrettez rien comme une certaine édite Piaf. De la vie clandestine dans cette ambiance électrique. Si tu crois qu'au destin, moi je crois qu'on mes couilles et mes tripes. Regretter c'est se faire mal, gars. Essayez simplement de comprendre pourquoi. Essayez de comprendre le mal, gars. Fais pas d'amalgame entre un souvenir et un tâtre mort. L'un donne le sourire, l'autre doit se vendre mort. Rien à foutre, aucun regret, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Sur les sentiers de la gloire, je manœuvrais pour les parler frères. À trop fréquenter la map, enchaîner les déceptions. Rationner au rap bâtard, on est devenus des exceptions. Et c'est ça qui me certifie avoir fait les bons choix. L'engouement de tous ces gens qui braillent nos freins avec des porte-voix. Sur un accord de basse, Polychrome 7 devient preneur d'otages. Cherche pas, vu que l'avenir petit réserve d'état d'occasion. J'attends le cash, MG de biche garave dans le sac à dos. 14 ans, je crée un lien de confiance avec le macadam. Braquage à l'arrache, premier délit, j'amasse les liens. C'est réinvesti dans le deal, 200 lamelles entassées dans le jean. Je rappe comme je baise et baisse la vie comme elle vient. Pour ne pas crever la dalle, je frappe en m'en fracturant les poings. Fidèle comme un schlass à mon crew, je n'ai aucun remords à dire qu'en poussant dans la mer, on a peu d'alternatives. Et la serre de requête de le temps passé. Et la vision se déforme, mon rêve des lions, on s'engraisse, que je rose. Je sais, jamais je regretterai nos textes marginaux. Rien, j'arrive à tout, où est-ce le verre? Rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Je fais mort, quoi, bah, peut-être pour peu de regrets. Quoi? Aucun regret, aucun regret. Autant crever les yeux ouverts que vivre les yeux fermés. Rien à foutre, rien ne va plus, rien n'est à regretter. J'suis sorti de la foule, planté la plume là où y'a peu de gaieté. Donc vite plus gaz, comme un film avec un drap périple. On kiffe le début car on sait que la fin sera terrible. Puisque la France est dirigée par des tribunes bourrées de menteurs. Décidé de rapper le bitume comme ma cage pour être planteur. Non, je ne regrette aucune phrase ni le moindre mot. J'assume chacune de mes phases, j'emmerde le monde. Pour toi j'suis un sale monde, bon à rien à part mal agir. Te dirais peut-être bonjour mais t'esquiveras pas la gire. Je regrette nada, les sorties de route ont attribué ce platane. Quand on venait voir venir la rousse, quand ça sentait la patate. J'étais celui qui dit bats-toi, va te révolter. Mais je rallumais mon joint comme un bâtard quand toi t'allais voter. Je regrette rien, cousin, suis je pourrais jusqu'à l'os. Je chie si se nourrir au calas, c'est mourir au galop. Rien à foutre, rien ne va plus, rien n'est à regretter. Sais-tu que chacune de mes erreurs devient un sujet à traiter. Pour en arriver là, j'ai dû faire front à mille et un périple. Contempler la mort de face, il n'y a rien de plus terrible. La mer, je braque la chance comme une roumaine sur une banque. M'arrachant de vie juste pour le bif, niquer la terre entière. Sans respect ni compassion aucune. Moi je suis né ainsi, avec l'envie perverse de pénétrer et causer un tas de ruines. J'ai besoin de maîtriser mon monde, rediriger ma barque. Loin des rivages d'une vieille France, dépouillée du bout de ma yes. Car je lâche un sourire qu'après avoir commis un crime. Trim et harponne mes gains comme un junkie devant une tête de wheel. Pas de pitié pour les faibles, dans le hara les winners vivent. Dans les boîtes se font limer l'abri, donc devient leadership. Si, ne regrette rien, mais apprends que le succès se campe dans l'unique but de régaler mes chiens. Rien à foutre, rien ne va plus, rien n'est à regretter. Demain est arrivé, je crois bien que c'est à vous. On nous a appris le mot perdre, car selon d'où tu viens, gagner est tabou. Je serai pas la honte de mon père, alors je manifeste. manifeste contre le front, là c'est fier. Fini défense sur le parking du quick de la Sépierre. Moi je sais qui je suis, où je vais, les remords je me torche avec. Le cœur que j'ai déneigé vaut les pistes de ski de Courchevel. Eh au salon part, ne serais-tu pas de mon crew? Chez nous ça talonne, des pics rouges et noirs ont donné le coup. Les gosses veulent être Stallone, ou choisis pour choisir. Être un sale con pauvre ou un sale con de la bourgeoisie. Alors mets le doux, vas-y, ton joint n'a pas de parfum. Quand je compose la joie, si me sens-tu monter ma faim? Si des fois je me déteste, c'est pour mieux m'aimer ensuite. Écrire ce texte, dire adieu et essayer de m'enfuir. M'enfuir, m'enfuir, m'enfuir, m'enfuir, m'enfuir, m'enfuir, m'enfuir, Aucun, c'est peut-être un, mais j'ai du mal à m'en souvenir. Je devais être sous.